électrique sur mon œil, dans le ventre. Il faut bouger, se laver, glisser sur la descente. Faire sensible, la fiction. Pierrette Le Pen sera-t-elle celle par qui le scandale arrive? En tout cas, ce matin, il vous suffit d'acheter Playboy pour apprécier le corps du délit. Sur 8 photos, grand format, couleur et sur papier glacé, avec pour tout vêtement un tablier de soubrette, elle étale sans complexe ses avantages, convaincant d'ailleurs. Et au téléphone, lorsque Olivier Muller l'a appelée tout à l'heure, elle a mis son cœur à nu. Écoutez. C'est moi qui ai sollicité Playboy, puisque M. Le Pen me disait de faire les ménages, autant les faire en Playboy. C'est pas véritablement un règlement de compte, c'est une réponse du berger à la bergère. Monsieur Le Pen oublie facilement que depuis 25 ans, je l'ai soutenu envers et contre tout le monde. Dieu sait qu'il y avait beaucoup de gens contre lui. Et qu'en prime, je lui ai donné 3 filles. Alors, il l'oublie, il n'est pas très gentil homme. Je peux vous dire simplement qu'il y a beaucoup de membres du Front National qui me demandent de tempérer les abus de Monsieur Le Pen. Enfin, je n'y ai pas pensé exprès. Vous savez, les divorces, ça doit se passer normalement. Mais sauf avec Le Pen, ça se passe pas normalement. Il était temps de donner une leçon à M. Le Pen. Quand il poudra peut-être cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeanne revient, épisode 2. Notre invité, Dominique Albertini, journaliste politique à Libération et spécialiste du Front National et de l'extrême droite. Bonjour Dominique Albertini. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à Libération, notre journal partenaire. Vous êtes co-auteur avec David Doucet de l'ouvrage intitulé « Histoire du Front National » aux éditions Talendier, collection texto en 2014, et du livre « La fachosphère » chez Flammarion en 2016. Alors, on va procéder chronologiquement. Hein. On revient d'abord en 72, date de la création du Front National par Jean-Marie Le Pen. Mais il n'est pas seul. Hein. Par exemple, Victor Barthélémy, secrétaire général du Front National à sa création, est là. Ça se passe avec lui et les anciens d'Ordre Nouveau, comme Alain Robert, des nostalgiques de la collaboration, il faut bien le dire. Oui, ça nous rappelle que le Front National du départ est une coalition assez improbable entre des gens qui ne relèvent ni des mêmes générations, ni des mêmes horizons politiques. Victor Barthélémy est un ancien collaborateur, c'est un ancien membre du Parti Populaire Français de Doriot, il était avant ça membre du Parti Communiste, c'est un vieil homme déjà à l'époque, et il va apporter au Front National une science de l'organisation qu'il a acquise au cours de ses expériences passées. Alain Robert, dont vous parlez, est un jeune homme. C'est le leader charismatique du mouvement Ordre Nouveau, qui est un mouvement étudiant, qui est un mouvement néo-fasciste, nationaliste, révolutionnaire. Ce sont des jeunes en blouson, si on veut, qui font le coup de poing dans les rues, dans le quartier latin Assas, principalement. Assas, Saint-Germain, Le quartier latin et leur territoire qu'ils disputent déjà aux troupes de l'extrême gauche. Et donc, voilà, ni la même génération, ni évidemment les mêmes expériences. Mais une filiation. Une filiation, si on veut, on peut imaginer qu'il y a eu entre un Victor Barthélémy et un Alain Robert une forme de transmission, que les uns aient raconté des choses aux autres. Mais voilà, on voit bien qu'on a affaire à un conglomérat de gens dont il n'était pas évident qu'ils se retrouvent, qu'ils travaillent ensemble et qui collaborent à, si je puis dire, à une entreprise électorale, le Front National. Il y a également François Duprat, oui. Dont on a parlé un peu déjà la semaine dernière. Il est important, il est numéro 2 là, au début, hein, en 72, théoricien de cette extrême droite. Il meurt dans un accident en 78, sa voiture explose, affaire jamais élucidée. C'est quand même une dimension particulière dans la vie politique démocratique française. Oui, c'est l'un de ces personnages troubles qui font l'intérêt des premières années du Front National. François Duprat est quelqu'un qui est passé par différents groupuscules d'extrême droite. C'est l'un des pionniers du négationnisme en France. C'est un fasciste revendiqué, le terme ne lui déplaisait pas. Et il meurt dans les circonstances que vous avez décrites, jamais expliquées. Et voilà, le parcours du personnage fait que toutes sortes d'hypothèses ont surgi. On a parlé des services secrets israéliens, on a parlé de gens qu'il aurait fait chanter, on a parlé de gens sur lesquels il aurait détenu des dossiers. Il se vantait d'être très au fait du financement de la mouvance par les milieux patronaux. C'était une machine à fantasmes aussi. C'était une ça, machine à fantasmes dans tous les sens du terme. C'était un mythomane, c'était un indicateur de la police. Il s'était attiré un nombre extraordinaire d'ennemis. Voilà, on mesure bien avec ce personnage à quel point le Front National de l'époque n'a encore rien à voir avec la vie démocratique classique. Avec la vie démocratique classique. Et d'ailleurs, Frank Timmermans, alors c'est le dernier, on va pas faire toute la galerie de personnages, mais celui-là est important également. En 79, donc après la mort de Duprat, il apparaît, il réorganise tout le parti. Et que fait Jean-Marie Le Pen à ce moment-là? Alors, Timmermans, c'est un mot d'abord. Oui, Timmermans est l'une de ces personnes qui, à l'époque, veulent croire qu'il est possible d'organiser ce parti qui ne l'est pas du tout, qui est au fond encore un groupuscule. Et donc, qui le fait dans des conditions de dénuement matériel et humain qu'on imagine mal aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là, est bien sûr le président du Front National. À l'époque dont nous parlons, la fin des années 70, il faut le redire, le Front National est un groupuscule. Le nombre de ses adhérents se compte pas plus qu'en centaines, et Jean-Marie Le Pen, selon certains témoins de l'époque d'ailleurs, n'est pas loin de s'en désintéresser, et en tout cas n'exerce sur lui qu'une tutelle distraite. Alors finalement, le parti quand même réussit à trouver des financements. Il prend son logo au MSI, le mouvement d'extrême droite italien. Pour le reste, comment ça s'organise? Et il emprunte le logo, il fait venir d'Italie tout un stock d'affiches. C'est très pratique, comme le logo elle-même, il suffit de changer les couleurs de la flamme qui est dessus et vous avez une affiche très présentable pour le Front National. Du vert blanc rouge au bleu blanc rouge. Exactement. Alors, pour la petite histoire, la flamme du MSI, devenue celle du Front National, est une référence à la flamme mussolinienne. Oui. Hein, donc il y a une filiation aussi. Et alors, quant aux moyens, alors déjà, il faut commencer par dire qu'ils sont extrêmement, extrêmement maigres. Un petit nombre de cotisations, un petit nombre de dons, énormément d'huile de coude, de volontariat. Alors, la fin des années 70 est une époque où Jean-Marie Le Pen a déjà hérité de la fortune d'Hubert Lambert, le cimentier, dans les conditions un peu suspectes qu'on connaît. Ce qui est établi, c'est qu'il en a très peu fait profiter son parti. Il a toujours considéré que c'était un héritage personnel, ce qui n'était pas forcément l'intention initiale d'Hubert Lambert. Mais donc, il n'y a pas eu ruissellement de la fortune de Jean-Marie Le Pen sur le Front National, et donc c'est un parti qui tourne à presque rien. Alors, il y a le tournant, mais on y reviendra. C'est important, le tournant, la personne électorale du Front National, avec Dreux notamment, au début des années 80, percée électorale, donc installation de Jean-Marie Le Pen et puis de la famille Le Pen dans le paysage politique français. Et on en arrive à cette famille dont Jean-Marie, Pierrette et les trois filles, Yann, Marie-Caroline et Marine. Comment vit cette famille à cette époque? Alors ces femmes qu'on connaît maintenant étaient des jeunes filles à l'époque, voire ados pour ce qui concerne Marine à l'époque. Bon, comment vit cette famille? Quelles sont ses relations à ce moment-là? Alors, c'est une famille, déjà, il y a une césure importante dans la vie de cette famille, c'est l'héritage Lambert dont on parle, qui fait passer cette famille de la vie d'une vie petite bourgeoise à une vie de riche. Ils emménagent dans le manoir de Montretout, ils sont à la tête d'une fortune considérable. C'est une famille qui, contrairement à l'image qu'on pourrait se faire de la famille archétypale de l'extrême droite, très conservatrice, c'est pas du tout ça. Jean-Marie Le Pen et son épouse Pierrette sont des fêtards, sont des noceurs. Ils entretiennent un vaste réseau de relations. Ils aiment la fête, ils aiment les sorties, on parade chez les Le Pen. Et les filles grandissent dans cette atmosphère-là, elles évoqueront plus tard parfois le sentiment d'avoir été peut-être un peu négligées par des parents tout à leur fortune nouvelle, tout à leur éclat, et dont elles étaient un peu spectatrices. On peut dire qu'elles en ont à l'époque souffert, comme elles souffriront ensuite du divorce évidemment de leurs parents. Et on y reviendra dans 3 minutes, Dominique Albertini. le seul vrai boss ici-bas. C'est qui? C'est moi. J'ai dit, on m'obéit, c'est comme ça. Merci, tais-toi. Proposer le plus mauvais jeu de mots de la semaine. Chez Le Pen, on montre tout. On montre tout, et notamment l'intimité familiale. Et je pense à l'affaire Pierrette Le Pen, ses photos dans Playboy de la dame, provoquent de graves réactions. La famille se déchire et les filles choisissent le père. En plus d'un drame politique, c'est réellement un drame familial et c'est aussi un drame de l'impudeur. Bon, rappelons quand même en deux mots l'affaire et puis voir comment les Le Pen s'en sont sortis, parce que c'était quand même l'étalage. Puis Pierrette Le Pen quitte son mari pour un journaliste qui était de passage à Montretout pour faire une biographie de Jean-Marie Le Pen. Elle finit par partir avec lui. Une crise familiale s'ensuit. Jean-Marie Le Pen coupe les vivres à son épouse, expliquant que celle-ci, après tout, n'a qu'à faire des ménages. Elle le prend au mot et pose en couverture de Playboy, habillée en soubrette, dans une position suggestive. On imagine le sentiment d'humiliation qui s'empare de Jean-Marie Le Pen et de ses filles. Et en plus, Pierrette Le Pen l'assume. Ah oui, on l'a entendu, voilà. Et ce qui montre que elle sait précisément où taper. On touche chez Jean-Marie Le Pen à la virilité du personnage, au sentiment de propriété qu'il pouvait avoir, ou en tout cas, voilà. On imagine que. Et sur la place publique, parfaitement au point tout, de la psychologie de son époux. Bien sûr. En effet, c'est fait pour maximiser le dommage. Et alors, il y a la dimension intime et personnelle. Vous rappelez que Jean-Marie Le Pen, enfin, les filles de Jean-Marie Le Pen rédigent une lettre plus ou moins spontanée dans laquelle elles se déclarent solidaires de leur père plutôt que de leur mère. Pierrette Le Pen, dans les années qui suivront, aura aussi des interventions beaucoup plus directement politiques et qui tendront toutes à présenter Jean-Marie Le Pen comme un personnage extrême, aussi bien dans son tempérament que dans ses opinions politiques. Donc elle contribuera aussi au procès fait à Jean-Marie Le Pen de représenter quelque chose d'inacceptable sur le plan démocratique. Alors, arrive en 87, donc après plusieurs années de succès électoraux, comme en 1985 la poussée au cantonal, 1986 le triomphe aux législatives, avec 35 députés élus à la proportionnelle, hein, quand même. Donc là, le FN existe, il s'installe, on pourrait penser que, là, ça y est, il est sur une rampe de lancement. Pourtant, il y a ce dérapage incroyable, et je trouve d'ailleurs que le mot dérapage est faible, hein, le détail de l'histoire, on connaît justement cette histoire, expliquez-la nous et comment elle commence et quelles en sont les conséquences réelles. C'est sur RTL, me semble-t-il. Jean-Marie Le Pen intervient un jour de septembre 87 au Grand Jury. Mmh. Il est questionné sur les thèses négationnistes d'un universitaire du nom d'Henri Roque, je crois. On lui demande ce qu'il en pense et s'ensuit un enchaînement de questions dans lesquelles, d'ailleurs, il semble un peu se noyer dans ses propres propos. C'est un moment assez curieux. Les témoins de la scène le voient un peu, pas à son aise, un peu bizarre. Et donc, on sait qu'il qualifie les chambres à gaz de point de détail de la Seconde Guerre mondiale. La suite de l'échange montre aussi qu'il semble remettre en cause et le nombre et la façon dont ces gens sont morts durant le conflit. Ça s'appelle le négationnisme. Cet appel du négationnisme, il déclare ne pas vouloir se prononcer, ne peut pas être certain, qu'il faut laisser les historiens débattre de tout cela. Enfin, voilà, il en fait non pas une vérité, mais quelque chose d'un peu relatif. Et c'est un moment absolument capital dans la vie politique de Jean-Marie Le Pen. Tout change à ce moment-là. Ne pas en conclure qu'avant cet épisode-là, il était considéré comme absolument fréquentable par tout le monde. Mmh. Mais après, quelque chose est définitivement brisé. Il est définitivement exclu par toutes les autres forces politiques du champ démocratique. Et c'est quelque chose qui le suivra toute sa carrière. Et on se pose la question, on se dit, mais comment en est-il arrivé à dire cela? Il a dû y penser, il a dû penser aux conséquences. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser un homme public d'importance, parce qu'à ce moment-là, il est important. Oui. C'est l'un des grands personnages de la vie politique française. Oui. Qu'est-ce qui peut le pousser à dire ça? C'est d'autant plus curieux que dans les temps qui précédaient, une série de tentatives de lui et d'autres membres du Front National avaient été faites pour le rapproché de la communauté juive. Il avait rencontré des représentants du Congrès juif mondial, il était prévu d'organiser un voyage en Israël, et donc effectivement incompréhensible, semble-t-il à l'époque, qu'il se livre à ce genre de déclaration. Il faudrait sonder le cœur et l'âme de ce qu'il était à ce moment-là pour savoir ce qui le pousse à... La meilleure hypothèse est qu'il dit ce qu'il pense. C'est que sincèrement, Jean-Marie Le Pen n'est pas acquis à ce qu'on sait alors aujourd'hui. C'est pas la politique, parce que l'art de la politique, c'est aussi de dire, pas forcément ce qu'on ne pense pas, mais ils mettent les formes, c'est la rhétorique politique. Il est hors champ, là, de la rhétorique classique. Oui, il le sait. Il refuse par la suite toujours de revenir sur ses propos, et certains de ses proches à l'époque l'entendent dire que s'il ne revient pas sur ses propos, c'est qu'il sait qu'en faisant cela, il perdrait aussi des partisans. Et sans doute par une espèce de fierté mal placée et sans doute aussi par profonde conviction d'avoir exprimé une vérité. Donc on est là à la fois dans une volonté de conquérir le pouvoir, enfin officiellement, vous vous présentez à une présidentielle, c'est pas pour témoigner. Dans le cas de Jean-Marie Le Pen, ça l'a même emmené au deuxième tour. Donc il y a la volonté de suivre les chemins électoraux de la démocratie et en même temps d'être à côté. C'est ça que ça dit aussi peut-être, de ne pas vouloir être dedans. Mais ça, c'est ce qui est passionnant dans cet épisode-là, c'est qu'il y a, c'est une tension qui résume, presque l'histoire du Front National. On peut la lire à travers cette espèce de tension permanente, de vouloir s'intégrer au système, de le subvertir de l'intérieur, de prendre le pouvoir par des voies démocratiques. Le Front National, c'est aussi l'extrême droite qui essaie de prendre le pouvoir par l'élection. C'est quand même un projet initial qu'il faut souligner. Et à la fois, le sentiment que rentrer dans le système, s'y intégrer, c'est déjà trahir quelque chose. L'histoire du FN, c'est ce déchirement. Et est-ce que c'est génétique, ça? Parce que Marine Le Pen, lors du débat avec Emmanuel Macron, alors c'est beaucoup plus près de nous, c'est aussi un dérapage. Parce que c'est là où elle est vraiment très mauvaise, c'est ce jour-là, c'est le jour où il ne faut pas se louper. Quoi. Donc ça encore, c'est... On peut le lire sur plusieurs plans. Sur le plan personnel, une forme de légèreté, d'inconséquence, de dilettantisme, qui est aussi la marque du Front National, parti peu professionnel dans la formation de ses cadres, dans son expression publique. Cette idée que on est... Peu importe, on y va un peu à la hussarde et évidemment à un certain niveau de la compétition politique, ça ne passe pas. Et puis l'idée, au fond, que une partie du succès repose sur le fait qu'on se moque des codes du système, comme ils disent. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, Marine Le Pen est persuadée d'avoir une illumination géniale, d'avoir subverti les codes du jeu médiatique. Et on voit en réalité que sur ce coup, les codes ont été plus forts qu'elle. Ça s'entend contre elle, mais probablement que ça lui a coûté beaucoup de points lors du scrutin du deuxième tour. Hein. Beaucoup de points, et puis une perte de confiance énorme en interne. Énormément de gens qui se rendent compte au Front National que ce n'est peut-être pas avec elle qu'ils gagneront, ça, peut-être jamais. C'est pas, peut-être pas bon cheval, si j'ose m'exprimer ainsi. Dominique Albertini, merci pour toutes ces précisions, et on se retrouve vendredi prochain pour le troisième épisode de notre série. Alors, ce sera autour des numéros 2 maudits du Front National, et sous le titre, c'est amusant, Bruno Cru, Bruno Cuit. Bruno Maigret, non ? Ben oui, c'est sûr, c'est Bruno Maigret. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jeanne revient, épisode 2, Le Diable est dans le détail. Une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Niro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Benjamin Rogeret.